pétrole s'épuisait. Elle est belle, notre époque. Post-Moyen-Orient, pic pétrolier, post-n'importe quoi. On l'a appelée la longue catastrophe. C'est venu doucement, petit à petit au début, les queues à la pompe. Et puis cette canicule en 2008. Les blackouts ont duré des semaines. La grippe aviaire a frappé en 2009. J'ai été retiré de l'école quand les vaccins ont manqué. Ils disaient que ça irait mieux, on serait tous sauvés. Les carburants bio, l'énergie solaire, les centrales nucléaires plus propres. La dépression a commencé en 2012. L'Afrique a connu la famine et puis nous aussi. Les gens ont arrêté de chercher des solutions et ont juste porté de sur eux. On les a regardés mourir de faim pendant 40 ans, c'était irréel. Mais bientôt, les scènes qu'on nous montrait à la télé se sont passées dans le monde.